Chapitre 42e. Quand il fut parti, nous perdîmes quelques minutes à nous regarder tous en silence. Chacun de nous, peut-être étonné du présent et inquiet de l'avenir, prenait tout bas conseil des circonstances. M. de Fontrose, la première, ouvrit la bouche pour nous recommander beaucoup de prudence. La marquise s'écria qu'il fallait que le chevalier ne revît jamais sa nièce. Sa nièce protesta qu'il valait mieux mourir que de renoncer à moi. Moi, par un regard plein d'amour, j'assurai mon Éléonore de ma constance inébranlable, et je jurai que son grossier beau-frère me ferait bientôt raison des insolents discours qu'il s'était permis de lui tenir et des inquiétudes qu'il osait nous donner. « Voilà, dit enfin Rosenbert, une très mauvaise résolution. Vous devez, mon ami, pour l'intérêt commun, dissimuler votre ressentiment contre le vicomte. Vous n'avez rien à faire que d'attendre les événements. Madame, quand elle ne pourra plus cacher son état, en fera la confidence à son mari. Il faudra bien que celui-ci, comme tant d'autres, prenne doucement la chose et avoue l'enfant. Le capitaine pourra crier, j'en conviens, mais c'est alors, Faublas, que vous vous montrerez. Vous irez dire deux mots à ce marin, qui ne sait pas vivre, et je vous connais, tout sera fini. » Tout le monde ayant reconnu que le conseil de Rosenbert était infiniment sage, Madame d'Arminecourt, en sanglotant, me remercia de ce que j'avais défendu sa nièce, me supplia de vouloir bien la défendre toujours, et m'ordonna de m'en aller pour ne plus revenir. « Pauvres enfants, ajouta-t-elle en nous voyant aussi pleurer, votre peine me fend le cœur, mais il le faut. Ah, monsieur de Rosenbert, pourquoi celui-là n'est-il pas son mari ?»« Bien ce soir, murmura tout bas mon Éléonore, à minuit, nous avons mille choses à nous dire, viens. » Oui, ma charmante amie, oui. De bonne heure parce que la marquise doit aller aux fiançailles d'une parente et ne reviendra pas souper. Malgré sa tante, elle s'était jetée dans mes bras. Elle me tenait pressée sur son sein. Elle me faisait mille caresses et même, elle baisait avec transport mes plumes, mon fichu, ma ceinture et ma robe. Comme si elle eût pris congé de mes habits, comme si elle eût deviné qu'elle ne devait plus voir Mademoiselle de Brumont. On ne parvint que difficilement à nous séparer. « Ah, madame la baronne, restez du moins là quelque temps avec elle et tâchez de la consoler. »« Je le veux bien, » répondit-elle. « Monsieur de Rosenbert a sa voiture, qu'il vous ramène. Dans une heure, je vous rejoins chez le baron. »« En voilà une qu'il faut plaindre, » me dit le comte, « car elle paraît avoir pour vous un attachement véritable. »« Rosenbert, croyez-vous que je ne l'aime pas ?»« La bonne question. Je sais bien que vous les aimez toutes. »« Oh, celle-là, c'est de tout mon cœur, je la préfère. » »« À Sophie ?» À Sophie, non, non, pas à Sophie. À Madame de B. Oui, mon ami. Tant mieux. Tant mieux pour moi. Cela me venge. Mais tant pis pour cet aimable enfant. Car voilà d'où vient la haine que la marquise lui porte. La haine? Assurément. Pensez-vous que ce puisse être une autre que Madame de B qui ait écrit cette lettre au vicomte? Ah, Rosenbert, pouvez-vous la soupçonner d'une... Mon ami, vous ne vous défiez pas assez de cette femme-là. Mon ami... « Vous vous en défiez trop. Au reste, je le demande en grâce, parlons d'autre chose. »« Volontiers. »« Aussi bien, je veux vous apprendre une nouvelle qui va vous réjouir et vous étonner. Je me marie demain. »« Très sérieusement ?»« Oui, sérieusement, au pied des autels. »« Je ne reviens pas de ma surprise. »« Quoi, Rosenbert, à 23 ans, a pu se déterminer ?»« Il l'a fallu. D'abord, c'est la comtesse de X, vous savez bien, la confidente de Madame de B. » Oui, c'est elle qui s'est mêlée de cette affaire avec une chaleur. De quelque prétexte qu'elle ait essayé de couvrir l'intérêt extrême qu'elle y mettait, je ne me suis point abusé sur ses véritables motifs. Il ne m'a pas été malaisé de sentir qu'elle le faisait moins pour m'obliger que pour désoler son ancienne amie. Et sur cet article, j'en conviens, il était difficile qu'elle eût plus de bonne volonté que moi. La marquise, d'ailleurs, m'a pressé. La marquise. Oh, dès qu'on parle d'une marquise, il croit que c'est la sienne. « Non, chevalier, celle-là n'est pas folle de vous. C'est la marquise de Rosenbert. La marquise m'a pressé, prié, conjuré. Elle a pleuré même. On ne résiste pas aux larmes d'une mère. Je me suis donc laissé fléchir. Ce soir, je signe le contrat. Demain, j'épouse 20 000 écus de rente et une jolie fille. Jolie ? Oui, vraiment. L'air un peu niais, cependant, et d'une innocence. À faire mourir de rire. Quel âge ? Pas tout à fait 15 ans. Oh, c'est une éducation tout entière dont je me charge. » Son nom? Vous le saurez après-demain. Tenez, venez après-demain de bonne heure. Je vous ferai sans façon déjeuner au lever de la mariée. Aimez-vous les mines du lendemain? Aimez-vous avoir une toute nouvelle femme, un peu gênée dans sa marche, les yeux battus, l'air encore tout étonné? Vous riez. Oui, vous me faites penser à quelqu'un. Il a raison. Je suis admirable, en vérité. Je me tourmente à lui peindre ce qu'il connaît mieux que moi. Ne lui sont-ils pas familiers, ces airs du lendemain? N'a-t-il pas vu la charmante Lignol et la belle Sophie? Cependant, Rosembert avait affaire chez lui. Nous nous y rendîmes ensemble, nous y causâmes pendant à peu près 2 heures, et le temps ne me parut pas long car le comte me permit de l'entretenir sans cesse de mon Éléonore. Enfin, on me reconduisit à l'hôtel. Madame de Fonrose sortait de l'appartement de mon père comme j'y entrais. Le baron paraissait fort animé. La baronne était pâle et tremblante. « Eh bien, s'écriait-elle avec un dépit mal déguisé, nous tâcherons que le désespoir ne nous fasse pas tourner la tête. Vous voilà, belle demoiselle, donnez-moi la main jusqu'à ma voiture. Chevalier, si vous voyez bientôt votre cruelle marquise, dites-lui que je la perdrai, dussé-je me perdre avec elle. » Lorsque j'eus quitté mes habits de femme, nous nous mîmes à table, monsieur de Bellecour et moi, quoique nous n'eussions pas plus d'appétit l'un que l'autre. « Mon père, vous ne mangez pas ?»« Mon fils, je suis malade d'inquiétude et de chagrin. » »« Mais vous non plus, vous ne touchez à rien. » »« J'ai ma migraine. » »« Votre migraine. Je vous conseille d'y renoncer. Elle ne vous réussira pas cette fois. » »« Mon fils, lisez le dernier article de cette lettre que j'ai reçue l'autre jour par la petite poste. » On croit devoir aussi vous avertir que mademoiselle de Brumont a passé la nuit dernière chez madame de Lignol et que c'est encore la baronne de Fontrose qui l'y a conduite. Un écrit anonyme, mon père. Fort bien, mon fils. Mais oserez-vous dire que le fait n'est pas vrai? Mon fils, vous ne sortirez plus le soir. Et madame de Fontrose, ajouta-t-il d'une voix fort altérée, madame de Fontrose n'abusera plus de ma confiance. Elle ne me trahira plus, l'ingrate baronne. Mon ami, poursuivit-il, en prenant mes mains dans les siennes, ne voulez-vous m'imiter que dans mes faiblesses? Ne l'avais-je pas bien dit que vous finiriez par la perdre, cette enfant si malheureuse et si charmante? Qui, Sophie? Non, madame de Lignol. Madame de Lignol, son beau-frère est arrivé. Vous venez déjà d'avoir ensemble une terrible scène. Mon fils, connaissez-vous le capitaine? Savez-vous que le vicomte de Lignol a souvent touché Saint-Georges? Souvent, je veux le croire. Qu'il n'a jamais été blessé? Il n'est pourtant pas invulnérable, sans doute. Mon fils, le capitaine ne peut manquer de savoir bientôt que mademoiselle de Brumont est l'amant de madame de Lignol. J'avoue qu'il découvrira plus difficilement que mademoiselle de Brumont est le chevalier de Faublas. Mais enfin, tôt ou tard, tout semble nous assurer qu'il le découvrira. Mon fils, que ferez-vous alors? Ce qu'il faudra faire. Voilà, monsieur le baron, permettez-moi de le dire, une étrange... Je te prie de ne point aller à ton ennemi, je te prie de l'attendre. S'il te vient chercher, bien, tu feras ton devoir. Il y a 7 mois, plus de 7 mois, que tu n'as pas manié de fleuret. Mon Dieu, si tu avais perdu quelque chose de cette agilité si prodigieuse qu'on admirait, et qui s'entretient surtout par l'habitude, si tu n'avais pas le coup d'œil si prompt, les mouvements si sûrs, mon Dieu, si tu n'étais plus que de la seconde force. Essayons ensemble, essayons tout à l'heure. Tu n'as pas faim? Moi non plus. Tes fleurets, où sont-ils? Ah, je t'en prie, donne. Quand ce ne serait que pour me tranquilliser. Je t'en prie, mon ami, donne vite. Bon, je regrette bien de ne pouvoir opposer une résistance égale à l'attaque, mais du moins je me défendrai le moins mal que je pourrai. Je suis en garde, bas. Ce n'est pas cela, mon fils, ce n'est pas cela. Vous me ménagez. Faublas, je vous ordonne de déployer toutes vos forces. Vous le voulez, mon père? Allons. En 2 minutes, il part à 20 coups, il en reçut 30. Bien, s'écria-t-il, parfaitement bien, mieux qu'autrefois. Vraiment, je le crois. Oui, plus de souplesse encore, de vigueur, de rapidité. C'est l'éclair, c'est la foudre. Jamais, poursuivit-il en passant plusieurs fois la main sur sa poitrine, jamais tu ne m'as donné de coups aussi forts, de coups qui m'aient fait tant de mal. Non, tant de plaisir. Rends-moi pourtant un autre service. Prends tes pistolets, descends dans le jardin, amuse-toi à tirer quelques oiseaux, je t'en supplie. J'obéissais, il me rappela. Je ne puis trop me hâter de t'apprendre une nouvelle qui doit te combler de joie. Samedi, sans autre délai, nous partirons pour tâcher de trouver Sophie. Sophie, samedi? Voilà, comme vous dites, une nouvelle qui m'enchante. Va dans le jardin, mon ami, va. J'y descendis, non pour troubler d'heureux oiseaux dans leurs amours, mais pour rêver aux miennes. Samedi, nous partons. Nous allons chercher et trouver Sophie. Quel bonheur! Mais que dis-je? Que deviendra Madame de Lignol? Quitter mon Éléonore? La quitter maintenant, dans 5 jours? Malheureux! Je me précipitais dans l'appartement de mon père. N'y comptez pas, monsieur le baron, n'y comptez pas. Qui, moi, perfide, avec lâcheté, je sortirai de Paris quand le capitaine vient m'y chercher? J'abandonnerai la mère de mon enfant au moment où ses ennemis s'assemblent autour d'elle. N'y comptez pas, monsieur le baron. Je vous proteste qu'il n'en sera rien. Mon père demeura si stupéfait qu'il ne put me répondre. Et moi, sans attendre que revenu de sa première surprise, il s'expliqua, je courus à ma chambre où je m'enfermai pour écrire. Ma chère Éléonore, ma charmante amie, je suis au désespoir. Ce soir, nous ne nous verrons pas. Mon père sait tout. Il faut que ta tante soit plus instruite que tu ne le crois. Ta tante seule peut avoir fait passer à M. de Bellecour l'avis fatal qui nous enlève une nuit fortunée. Hélas, il est donc vrai que tout le monde se réunit contre 2 amants. Il est donc vrai que tout le monde, en conjurant ta perte, ose m'attaquer dans la plus chère moitié de moi-même. Sois tranquille, Faublas te reste. Faublas t'adore. Ton amant, quoi qu'il puisse arriver, perdra la vie plutôt que de t'abandonner. Puis je demandai à ma belle maman un rendez-vous pour le lendemain. Tiens, Jasmin, va vite chez la fleur et chez Madame de Montdésir. Prends l'habit bourgeois, prends les précautions ordinaires, et regarde bien si dans tes courses tu n'es suivi de personne. Monsieur, me dit-il à son retour, Madame de Montdésir. Madame de Montdésir, Madame de Montdésir, la fleur d'abord. Vous voulez donc que je commence par la fin? Monsieur, je n'apporte pas de réponse de la fleur. Je venais de lui remettre votre billet quand il m'a dit « Jasmin, aimes-tu les coups de bâton ?»« Non, da, lui ai-je répondu. « Eh bien, mon ami, a-t-il répliqué. Vois-tu, dans le café qui est en face de l'hôtel, cet officier grand comme un monde ?»« Il n'a pas l'œil bon, ai-je encore répondu. « Eh bien, mon ami, a-t-il encore répliqué, je crois qu'il vient de t'apercevoir de cet œil-là. Sauve-toi vite si tu ne veux pas compromettre ma maîtresse et ton dos. » Alors, monsieur, je n'ai plus rien répondu, mais sans me le faire répéter 2 fois, j'ai pris mes jambes à mon cou et me voilà. De sorte que, grâce à ta bravoure, je n'ai pas de nouvelles de Madame de Lignol. Monsieur, je ne vous en aurais pas apporté davantage quand je me serais fait échiner par ce grand diable. Il faudra pourtant que tu y retournes. Oui, ce soir, le géant n'y sera peut-être plus. Enfin, Madame de Montdésir, elle m'a recommandé de vous assurer qu'elle s'ennuyait bien de n'avoir plus l'honneur de votre visite. Qu'au reste, elle allait envoyer tout de suite votre billet qu'on attendait depuis plusieurs jours et que demain vous auriez la réponse. Elle vint en effet de bonne heure, la réponse. Ce n'était pas Madame de Montdésir qui l'avait écrite. Oui, j'empêcherai ce départ. Mais n'avais-je pas raison de dire que votre Sophie vous était moins chère? Quoi qu'il en soit, puisqu'enfin vous en témoignez le désir, nous pourrons ce soir, à 7 heures, nous rencontrer où vous savez bien. J'appelai mon domestique. « Allons, Jasmin, du cœur. Hier au soir, si tu n'en avais pas manqué, tu aurais pu rejoindre la fleur. Va donc, ce matin, va voir si le capitaine est toujours à son poste. » Il y était déjà. Mon bon Jasmin, qui, piqué de mes reproches, venait de s'aventurer un peu plus que la veille, n'avait encore échappé que par une prompte fuite au géant persécuteur. Je reconnus alors que si mon domestique n'était puissamment encouragé, ma commission ne s'achèverait pas. Je fis donc honnêtement dîner l'infatigable courrier qui, muni d'un nouveau courage, partit résolument pour son nouveau message, plus malheureux que tous les autres. Mon pauvre Jasmin revint éclopé. « Cette fois, monsieur, j'ai pénétré jusque dans la cour. Mais le grand diable m'est tout de suite tombé sur les épaules. Il a crié. « Que demandes-tu ? » J'ai répondu. « Ce n'est pas vous, monsieur. » Il a crié. « On n'entre pas. » « Que demandes-tu ? » J'ai répondu de toutes mes forces. « Pourquoi donc m'empêcheriez-vous d'entrer? Est-ce que vous êtes le Suisse ?» Il a crié. « Non, il n'a pas crié. Il s'est contenté pour le moment de me détacher un coup de poing qui m'a fait voir 36 000 chandelles au ciel. Et c'est moi qui alors crié. Et j'ai bien fait, car si la fleur et tous ses camarades n'étaient venus m'arracher des mains du brutal et me mettre à la porte, je crois que je ne serais jamais sorti de la cour. Quelle fureur et quelle insolence !« Monsieur, interrompit Jasmin, je ne me suis pas gêné pour lui annoncer que mon maître ne serait pas du tout content du traitement. » Qu'a-t-il répondu? « Monsieur, c'était moi qui répondais. Lui ne faisait jamais que crier. Il a donc crié en redoublant ses coups. « Ton maître, son nom à ton maître, son nom !»« Tu le lui as caché ?»« Oui, monsieur. Oh, quand il aurait dû m'achever sur place !»« Eh bien, je vais de ce pas le lui aller dire, moi. »« Bon, » s'écria Jasmin qui me vit prendre mon épée, « et flanquez-moi ça de côté comme ce petit monsieur de B qui faisait le méchant. » Je me précipitai sur l'escalier, mais heureusement monsieur de Bellecour se trouva sur mon passage et m'arrêta. « Poblas, où courez-vous donc avec cette épée ?»« Comment ? Il ose arrêter mon domestique et le frapper ?»« Ainsi vous, mon fils, » répondit-il avec beaucoup de sang-froid, « vous êtes plus pressé de venger votre domestique que vous ne l'étiez de venger votre maîtresse. Ainsi, pour repousser un outrage qui ne regarde que lui seul, l'amant de madame de Lignol va se hâter de la découvrir et de la perdre. » Des représentations aussi justes me calmèrent tout d'un coup. J'appelai Jasmin pour qu'il vînt reprendre mon épée. Le baron, qui vit que je me disposais à m'en aller, me dit « Non, remontez chez vous, j'y vais aussi, j'ai à vous parler. Mon ami, nous avons tous les deux besoin de distraction. Nous ne pouvons nous en procurer une plus douce que celle de la compagnie de votre sœur. Je viens d'envoyer chercher Adélaïde. Je compte la garder jusqu'à vendredi soir. Pourquoi pas plus longtemps ? Nous partons samedi. » En me faisant cette réponse, M. de Bellecour m'observait. Comme l'heure s'approchait où j'allais savoir ce que Mme de B comptait faire pour empêcher mon départ, je pris le parti d'éviter l'explication que le baron cherchait. Ainsi, je me contentais de répliquer « Samedi, oui, samedi. Adieu, mon père. Restez donc. Votre sœur arrive dans un quart d'heure. Mon père, il faut que je sorte. Mon fils, je ne veux pas que vous sortiez. Mon père, il le faut absolument. Je ne veux pas que vous sortiez, vous dis-je. C'est un parti pris. Je vous assure que l'affaire la plus indispensable... Mon fils, voulez-vous me désobéir ? Mon père, si je ne puis faire autrement... Je vous entends, monsieur. J'emploierai donc la force. À ces mots, il sortit de ma chambre où il m'enferma. J'ouvris la fenêtre. Il n'y avait qu'un étage. Je sautai. La secousse fut violente. Cependant, je traversai la cour avec la rapidité d'un oiseau, et toujours courant, j'arrivai bientôt chez Madame de Fontrose. « Malheureux, dit-elle, que venez-vous faire ici ? Ce matin, familièrement, le capitaine m'a rendu son épouvantable visite. Il m'a demandé, du ton poli que vous lui connaissez, ce que c'était qu'une certaine demoiselle de Brumont, dont les assiduités chez Madame de Lignol donnaient lieu dans le monde à beaucoup de plaisanteries. Ce n'a pas été sans peine que je suis parvenu à faire comprendre à cet effroyable beau-frère que la conduite de sa jeune sœur ne me regardait pas, que je ne lui devais à lui, monsieur le capitaine, aucun compte de mes actions, et qu'il m'obligerait sensiblement de vouloir bien ne jamais remettre le pied chez moi. Et mon Éléonore, l'avez-vous vue ? Au contraire, j'ai tout à l'heure envoyé chez elle pour lui recommander d'être fort circonspecte et de se garder surtout de venir ici. J'allais, avec bien du regret, vous faire donner le même avertissement. Et tenez, dans ce moment-ci, je ne vous retiens pas, car je vous avoue que je redoute fort quelque nouvelle avanie du flibustier qui nous est si mal à propos venu. Chevalier, vous ne rentrez pas maintenant à l'hôtel ? Non, pourquoi ? Je vous aurais prié de dire... Un instant, restez encore un instant. Elle sonna un domestique, auquel elle donna des ordres secrets. Je fis alors peu d'attention à cette fatale circonstance, que depuis je me suis souvent rappelée. La situation critique où nous nous trouvions tous me causait-elle de fausses terreurs ? Comme j'allais de l'hôtel Fontrose à la petite maison rue du Bac, il me sembla que j'étais suivi. Le vicomte de Florville ne se fit pas longtemps attendre. La marquise ne cessa de m'écouter avec la plus grande attention, mais souvent d'un air triste et quelquefois d'un air troublé. Je ne pus néanmoins, en finissant la longue histoire de mes embarras et de mes inquiétudes, je ne pus m'empêcher de lui dire « Ce qui me désespère encore, c'est qu'on ose vous accuser d'avoir écrit ces deux cruelles lettres. On ose ? Et qui ? Monsieur de Rosembert ? Madame de Fontrose ? Mes deux plus mortels ennemis ? Ils seraient vos amis que je ne le croirais pas, ma belle maman. Comment empêcherez-vous mon départ ? Je ne puis, répondit-elle d'un ton préoccupé, je ne puis me lasser de le répéter, il faut que Sophie vous soit moins chère. Moins chère ? Je vous assure que non. Mais mon séjour à Paris devient indispensable. L'honneur me l'ordonne autant que l'amour. Autant que l'amour de Madame de Lignol, oui, ma belle maman. Comment empêcherez-vous mon départ ? Faublas, il doit vous arriver de Versailles un paquet dont le contenu vous fera plaisir, j'espère, et qui changera probablement les dispositions de Monsieur de Bellecour. Si pourtant votre père s'obstinait toujours à vous emmener, mandez-le-moi de suite. La marquise se leva pour s'en aller. « Vous voulez déjà me quitter ?»« J'y suis forcée, » répondit-elle en se dérobant à mes caresses. « J'y suis forcée. Mes moments sont comptés. J'ai tous ces jours-ci beaucoup d'affaires. Adieu, chevalier. » « Puisque vous me défendez de vous retenir, adieu, ma belle maman. » Je ne sortis de la maison qu'un quart d'heure après le vicomte, et pourtant je crus encore reconnaître, non loin de moi, l'incommode Argus qui m'avait déjà donné quelques inquiétudes. Ce qui confirma tous mes soupçons, c'est que l'espion maladroit ou craintif se hâta de changer de route dès qu'il vit que je me retournais sur lui. Je rentrai chez moi, bien persuadé que le capitaine ne tarderait pas à venir m'y faire sa visite. « Est-il possible, me dit le baron, que vous ayez manqué de vous casser une jambe ?»« Mon père, j'aurais risqué ma vie. Monsieur le baron, pourquoi me poussez-vous à des extrémités qui peuvent devenir funestes ?»« Monsieur le baron, vous devez le savoir, la mort est pour moi, dans ce moment-là, préférable à l'esclavage. Au reste, avant de me remettre à votre pouvoir, je viens vous déclarer positivement qu'attenter à ma liberté, c'est attenter à mes jours. » »« Je vous annonce, et je le jure par ma sœur, par vous, par Sophie, par tout ce que j'ai dans le monde de plus cher et de plus sacré. Je jure que nulle considération ne pourra plus me déterminer à défendre contre le vicomte une vie que votre tyrannie aura désormais rendue inutile à Madame de Lignol et odieuse à son amant. Maintenant, décidez de mon sort, il est dans vos mains. » Monsieur de Bellecour se cacha le visage dans ses mains et médita longtemps sa réponse. « Mon fils, promettez de n'aller ni chez la comtesse. Impossible, mon père. Ni chez la baronne, ni chez le capitaine. À la bonne heure, ni chez la baronne, ni chez le capitaine. Je vous en donne ma parole. Et que je ne porte jamais votre nom si j'y manque. Ni chez la baronne, ni chez le capitaine. C'est tout ce que je peux promettre. » Mon père ne répondit rien. Mais à compter de ce moment, je recouvrais ma liberté tout entière. Aussitôt après souper, je montai dans ma chambre et j'appelai Jasmin. « Donne-moi mon chapeau rond, mon manteau, mon épée. »« Bien, monsieur. » Cette bonne volonté de mon domestique me fut très heureuse, comme on va le voir. Nous venions de sortir et, pressé que j'étais d'arriver, je marchais à grands pas sans regarder autour de moi. À peine nous entrions dans la rue Saint-Honoré, lorsqu'une femme arrêta Jasmin pour lui demander le chemin de la place Vendôme. Aux accents d'une voix chérie, je me retournai. « Grand Dieu, serait-ce possible ?»« Oui, c'est elle, c'est la comtesse. »« Quel bonheur, c'est lui, j'allais chez toi, Faublas. » »« Mon Éléonore, j'allais chez toi. » »« Et tiens, débarrasse-moi vite, » poursuivit-elle en me donnant un petit coffre. « C'est mon écrin, je te l'apportais. »« Je te venais joindre pour nous en aller tout de suite. »« Nous en aller où ?»« Où tu voudras. » »« Comment, où je voudrais ?»« Sans doute, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Chine, au Japon. » Dans quelque désert, où tu voudras, te dis-je. Y penses-tu? Je n'ai rien de prêt pour l'exécution de ce dessein hardi. Rien de prêt, que faut-il? Mon ami, nous ne pouvons nous entretenir ici d'un objet de cette importance. Tu allais chez moi, viens-y, viens, mon Éléonore, et jouissons encore de quelques heures fortunées. Bientôt, la porte dérobée nous fut ouverte, et sans avoir été vue, nous arrivâmes à mon appartement. Que je suis contente, s'écria la comtesse en prenant possession de ma chambre. « Que je suis contente. C'est aujourd'hui que je suis vraiment sa femme. Comme nous serions bien ici. Mais c'est à la cabane que nous serons mieux. Faublas, il faut que vous m'enleviez. Il le faut absolument. Tiens, que je te raconte les événements de la journée. Le capitaine est venu dès le matin me faire une affreuse scène. Il s'est hâté d'apprendre à Monsieur de Lignol que j'étais enceinte, et que Mademoiselle de Brumont ne pouvait être qu'un homme déguisé. Il a juré qu'il connaîtrait incessamment et qu'il mettrait à l'ombre, je te rapporte ses propres expressions, qu'il mettrait à l'ombre l'insolent qui osait aimer sa belle-sœur. Ce n'est pas aimer, qu'il a dit, et qui eut l'audace de porter la main sur lui. Qu'a dit à cela ton mari? Il ne paraissait point du tout content. Et toi, qu'as-tu répondu? J'ai répondu que s'il se pouvait que Mademoiselle de Brumont fût un homme, c'était mon heureuse étoile qui l'avait permis. Et s'il m'était arrivé jamais un ami qui me fait un enfant, mon prétendu mari le méritait bien. Ma tante a crié que j'avais raison. Elle a pris mon parti, ma tante. Je le crois. Quand les deux frères ont été partis, la marquise a beaucoup pleuré. Elle voulait absolument me ramener dans sa Franche-Comté. Vois combien tu m'es cher. J'ai constamment rejeté sa proposition. Faublas, j'aime bien mieux que tu m'enlèves. Cependant, le vilain homme était allé se poster dans un café, je sais. J'ai cru qu'il ne fallait point envoyer chez toi, car je ne veux pas que tu te battes avec le capitaine. Je lui pardonne ses insultes, je les oublie. J'oublie le monde entier, pourvu que tu m'enlèves. J'allais du moins écrire un mot à Madame de Fontrose quand elle m'a fait dire « Je sais ». Vois-tu, c'est une méchante femme aussi, la baronne. Elle nous a servi tant que notre amour, qui n'était pour elle qu'une intrigue un peu plus gaie qu'une autre, a pu lui fournir quelques sujets d'amusement. À présent qu'il n'y a plus que des dangers à courir, elle nous abandonne. Mais que m'importe encore, puisque tu me restes, et pourvu que tu m'enlèves, impossible, mon ami. Impossible, la raison. Tu ne considères pas que vous leur apportez trop de précipitation dans l'exécution d'une entreprise si difficile, c'est s'exposer à la manquer. Regardez-moi, je trouve toujours les moyens. Lui ne voit jamais que les obstacles. Tu peux encore, au moins pendant 3 mois, cacher et nier ta grossesse. L'ingrat ne m'enlèvera point qu'il n'y soit obligé. Les circonstances ne sont pas tellement pressantes. Et pourquoi différer de 3 mois le bonheur que nous pouvons tout à l'heure obtenir? Toi, dont le cœur est si bon, mon Éléonore, voudrais-tu, si la nécessité ne t'en imposait pas la loi, voudrais-tu d'un bonheur qui ferait le désespoir de la sœur la plus sensible et du meilleur des pères? Ah, malheureuse, il ne m'enlèvera point, il ne veut pas m'enlever. La comtesse versa des pleurs amers. Sa douleur était si vive que je désespérais d'abord de la calmer. Mais que ne peuvent les caresses d'un amant? Cette nuit, comme la dernière que l'amour nous avait donnée, ne dura qu'un instant. Cependant le jour commençait à poindre. Nous descendîmes sans bruit. Nous sortîmes par la petite porte du jardin. Tout se passa mieux que je n'osais l'espérer. Je vis la comtesse entrer chez la baronne, et je courus chez M. de Lignol éveiller la fleur, qui dut partir à 15 minutes après. Je viens chez moi sans avoir fait de fâcheuses rencontres. À 8 heures du matin, il m'arriva la lettre que voici. Depuis longtemps, monsieur le chevalier, je cherchais l'occasion de réparer mes torts envers vous et monsieur le baron. C'est avec transport que j'ai saisi la première qui s'est présentée. Je vous prie de l'assurer à monsieur votre père. Je crois, au reste, que le roi ne pouvait faire pour le régiment de X une meilleure acquisition que celle d'un jeune homme tel que vous, puisqu'il est certain que vous avez la physionomie du monde qui promet le plus. J'ai l'honneur d'être, etc., le marquis de B. Un instant après, le marquis de Bellecour entra dans ma chambre. Il tenait à la main plusieurs papiers, et je voyais la plus grande joie peinte sur sa figure. « Je le reçois à l'instant de Versailles !» s'écria-t-il en m'embrassant. « Vous avez voulu que ce fût à moi qu'il fût adressé. Vous avez voulu que le premier je vous félicitasse de votre bonheur. Je suis infiniment sensible à cette attention délicate. Oui, c'est cela même, ajouta-t-il, en voyant que je m'approchais pour lire. C'est votre brevet de capitaine au régiment de dragons, maintenant en garnison à Nancy, et ceci, l'ordre de rejoindre au 1er de mai, dans 15 jours, Faublas. Quelle bonté, mon père, et que de reconnaissance! Je vous promets de chercher Sophie avec autant d'ardeur et d'exactitude que vous l'auriez pu faire. Et vous la trouverez, mon père, vous la trouverez. J'ose du moins l'espérer de cet événement-ci. Je ne doute pas que Faublas ne s'empresse de justifier la faveur du prince. Je ne doute pas qu'il ne remplisse avec distinction l'honorable place qui lui est confiée. Il faut croire que dans sa retraite, M. du Portail recevra la nouvelle de cet heureux changement, qui en annoncera beaucoup d'autres, et qu'alors il ne cachera plus sa fille à l'époux devenu digne d'elle. Oh, mon père, quel encouragement vous me donnez! Adélaïde est déjà levée, Faublas. Elle va déjeuner dans mon appartement. J'allais te faire appeler. Je n'ai pas eu l'indiscrétion de montrer ces papiers à ta sœur. Il est bien juste que ce soit toi qui lui apprennes cette bonne nouvelle. Viens, mon ami, descendons ensemble.